S. Ici on pleure puisqu'on rit, le visage endoloré par la douleur. On n'a pas eu la belle vie de Laurie. Nos pensées sont colorées par Monsieur Bolloré. Il fait de l'oseille sur nos misères mais ne peut pas nous tolérer. Coléreux comment ne pas l'être, la merde c'est toute une palette. C'est malheureux d'avoir vu autant de choses à 23 balais. J'ai pas l'air d'un type louche ou d'un mec qui galère, mais j'ai vécu plus d'horreur que toi qui dit dans la mer. J'en suis pas fier, des mecs comme moi y en a légion. Les vins partent en couille, on se réfugie dans la religion. Y'a plus de collégiens, le bistrot alléchant. Les gosses te disent c'est pas les maths qui vont payer. Mes gens. On n'écoute plus les gens car on a trop crié. Nos rêves partent en fumée, se retrouvent dans un cendrier. Plié, oublié, mais on reste lié. Tout dit, PPY, c'est à la vie. Les pieds sur le sol français, pas du tout envie de danser, mais quincé. La galère, rien à faire à part pioncer. Tous les jours, je rêve de mes fiançailles. Toutes les heures, je rêve qu'un jour on s'en aille. Un dégoût quotidien de la vie me déchire. Il a fait du spontex avec mon cœur de cachemire. Je cache ma haine, mes larmes dans mes cauchemars. Chaque réveil est un coup de chasse dans les dorsaux. Ça me soulage grave d'écrire sur ce morceau. Dès le berceau, le destin est défini. Fini de boire, c'est déjà ça, cousin. Fini de voir le bien, je vois que le mal, cousin. Partout et toutes ces chnecks du Tiex, ça n'a rien à envier à tous ces mecs du Tiex, parce que je les connais, tous ces mecs du Tiex, et je voudrais leur dédicacer ce texte. Dans ma main à la tristesse, à haute vitesse. Cette vie te prend tes sentiments et tes richesses. Les choses nous paraissent plus comme des caresses. La mélancolie en moi est la pièce maîtresse. La joie me délaisse dans cette détresse. Oppressé, je m'aperçois de toutes mes faiblesses. Et je progresse, pas plus que cette jeunesse. Qui en a marre, vos discours, vos fausses promesses. On m'a promis, on m'a menti. À chaque chute, la tête haute, j'ai rebondi. Me suis repenti pour construire ma vie. Et sur ma vie de cette vie, je veux être ravi. Et je rêve chaque nuit d'avoir une famille. Mais vu les femmes de cette chance, je serai banni. Et je n'ai pas pu être si cru. Dire à ma mère qu'au mariage, je ne crois plus. Oreilly Music.